Y'a mon frère qui faisait les 100 pas, tout seul je payais l'avocat. Mon sang y'a pas de pote, y'a que des putes qui font les 100 pas sous rapta. Y'a mon frère qui faisait les 100 pas, tout seul je payais l'avocat. Mon sang y'a pas de pote, y'a des putes qui font les 100 pas sous rapta. Toujours le même, toujours habillé ghetto. La devise, on regarde pas dans le rétro. Ça veut la somme du patron, son bendo. Et sa femme à côté dans le merco. J'suis dans le bis-bis toute l'année. Cerveau ailleurs, ouais, j'fais que planer. Pour ma team, team, j'pourrais canner. Y'a les flics, j'cours comme ça que j'manais. En ce moment, c'est pas la forme. J'fume la beuh de Californie. J'veux vendre des CD comme Johnny. Moi, ma team, c'est ma famille. Frangin, tu m'as lâché. Gros, je vais pas te menacer. J'ai du buzz, mais j'peux te froisser. On verra quand on va se croiser. Joujou la Famax, le Uzi, la Kalash. À l'usine comme un ouache, un épine sur ganache. C'est la joie, la mélancolie, la folie du terre. Crapule dans la bolide, ça parle de te faire. Ça veut la money, les marrons, les violets et les verts clair. J'fais pas la guerre, mais attention si tu parles de mère, père. C'est la joie, la mélancolie, la folie du terre. Crapule dans la bolide, ça parle de te faire. Ça veut la money, les marrons, les violets et les verts clair. J'fais pas la guerre, mais attention si tu parles de mère, père. On joue de là, c'est le son de là. On joue de là, c'est le son de là. On joue de là, c'est le son de là. On joue de là, trop dans l'œuvre, on se prend la tête. C'est pas la joie, c'est pas la fête. Ils m'ont fait disordre, ils ont mis j'veux dans l'assiette. Un solo, j'ai fini solo. Ils me jettent l'œil, ces fils de aimeraient que j'fasse des tonneaux. Et j'oublie les follow, plus beau maton que son pomo. Tu restais un bonhomme disque, un peu comme N'Golo. Ça pleure dans le salon, fils ton menotté. Divorce blessé, tu reverras ta vie quand elle soit pas dégoûtée. Grand cœur pour les autres, pensées sont pour les redadadadar. Tu me vois sourire toujours capable que je t'éclate la delalala. Elle t'a trahi, tu l'as haï. Avec un autre en bikini, de refaire à l'idée que c'est fini. C'est la joie, la mélancolie, la folie du terre. Crapule dans la bolide, ça parle de te faire. Ça veut la money, les marrons, les violets et les verts clair. J'fais pas la guerre, mais attention si tu parles de mère, père. C'est la joie, la mélancolie, la folie du terre. Crapule dans la bolide, ça parle de te faire. Ça veut la money, les marrons, les violets et les verts clair. J'fais pas la guerre, mais attention si tu parles de mère, père. On joue de là, c'est le son de là. On joue de là, c'est le son de là. On joue de là, c'est le son de là. On joue de là. Y'a mon frère qui faisait les 100 pas, tout seul j'payais l'avocat. Mon sang y'a pas de pote, y'a que des putes qui font les 100 pas sous rapta. Y'a mon frère qui faisait les 100 pas, tout seul j'payais l'avocat. Mon sang y'a pas de pote, y'a des putes qui font les 100 pas sous rapta. Jujuju, la Famax, la Falantina. T'as parlé de te faire. Yo Marseille. Je veux pas la guerre, mais attention si tu parles de mère, père.